Bonjour. En ce début d'année, on voulait vous dire merci. Parce que ça fait un an et demi que chaque semaine, on vous raconte des histoires et que vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter, à nous faire des retours et ça nous donne plein d'énergie pour continuer. Pour 2020, on a plein d'idées, mais on a besoin de vous. Si vous pouviez répondre à quelques questions avec vos parents, ça nous aiderait beaucoup. Promis, ça vous prendra moins de 2 minutes. Vous trouverez le lien vers le questionnaire dans la description de l'épisode. À très vite pour de nouvelles petites histoires.